23-24, observation. Futur régulier, verbe en ER et RE. Trouver, je trouverai. Tu trouveras. Il trouvera. Nous trouverons. Vous trouverez. Elles trouveront. Comprendre, je comprendrai. Tu comprendras. Il comprendra. Nous comprendrons. Vous comprendrez. Elles comprendront. Notez que dans les verbes en ER, comme trouver, le radical du futur est identique à l'infinitif au point de vue de l'orthographe. Mais il y a une différence au point de vue de la prononciation. Dans les verbes en RE, comme comprendre, le radical du futur est bien identique à l'infinitif au point de vue de la prononciation, mais il y a une différence au point de vue de l'orthographe. Le E final de l'infinitif est absent au futur.